L'intérêt, c'est des diapos que vous avez déjà vus. L'intérêt de cette diapositive que ya habéis visto antes. Donc, il faut que vous, vous soyez actifs et pas passifs. Lo importante es que vosotros seáis activos y no pasivos. Donc, ça veut dire que quand vous la voyez, c'est pas dire ah, j'ai déjà vu l'image. Cuando veáis, lo importante no es decir ah, yo ya he visto esta imagen. Mais c'est si je devais commenter la diapo, qu'est-ce que je dirais? Pero si debería comentar la diapositiva, ¿qué es lo que yo diría? Donc, vous n'hésitez pas si il y a des trucs qui ne vous paraissent pas clairs. Donc, on en discute. Ce n'est pas un cours magistral, c'est juste pour retenir les idées. Donc, si vous avez quelque chose que vous n'entendez, ce n'est pas un cours magistral, vous pouvez me demander et le commentons. Alors, par rapport au cours, j'ai modifié un petit peu ce matin certaines diapositives. Respecto al curso, ha modificado esta mañana algunas diapositivas. En fait, il y a deux types de modifications. Hay dos tipos de modificación. Des modifications qui sont purement formelles. De forme. Ah, hay algunas modificaciones que son solamente de forma. C'est-à-dire que j'ai mis des diapos plus récentes qui étaient plus jolies, en fait, si vous voulez, qui ne changent pas l'idée. Hay algunas diapositivas que no cambian la idea, pero son más recientes y más bonitas. Et puis deux, trois diapos, enfin quelques diapos en plus. Et que de toute manière vous avez déjà eu dans des cours précédents. Il y a d'autres diapositives qui ne sont pas, mais bon, que déjà vous avez tenues dans d'autres cours. Sauf les deux dernières, on vous les fera, on en verra, on vous les fera quand même. Donc, c'est les deux ultimes que nous allons faire. Alors, bon, pour introduire posture ou posturologie, c'est-à-dire que tout le monde travaille sur la posture, mais tout le monde ne fait pas de la posturologie. Cuando hablamos de postura o posturología, todo el mundo habla de la postura, pero no todo el mundo hace posturología. Et en fait, la posturologie, c'est de la régulation. La posturología lo que significa es la regulación. Donc, à partir du moment où on parle de régulation, ça sous-entend quoi? Qu'il y a des oscillations, qu'il y a des oscillations. Cuando hablamos de regulación, esto que significa que hablamos de las oscilaciones, del movimiento. Donc, on va regarder évidemment la position. Vamos a observar evidentemente la posición. Mais on va aller bien au-delà de la position. Pero iremos mucho más allá de la posición. Alors, le mot posturologie est un mot intéressant puisqu'on voit qu'à l'heure actuelle, ça se développe de plus en plus, je dirais, dans le monde entier. El nombre de la posturología es un nombre importante, es algo que se está evolucionando poco a poco. Et dans plus en plus de professions. Et cada vez de más profesiones. Et beaucoup de gens disent faire de la posturologie alors qu'en fait ils font que de la posture. Pero mucha gente habla de posturología, pero lo único que hacen es la postura. Est-ce qu'il y a un pied valgus? Est-ce que j'ai une place 2 au niveau dentaire? Est-ce que j'ai une scoliose? Est-ce qu'il y a un pied valgo? Hay un factor 2 de la mandíbula? Hay una scoliosis? Donc c'est un terme, on va dire, qui a été surtout utilisé par Gaget, c'est ça? Este término fue utilizado sobre todo por Gaget. Et Gaget a fondé l'Association française de posturologie en 1984. Y Gaget fundó la Asociación de Posturología en 1984. Alors, on parle souvent d'équilibre. Muchas veces hablamos de equilibrio. Bon équilibre, mauvais équilibre. Un buen equilibrio o un mal equilibrio. Mais en fait, le terme d'équilibre n'est pas un terme adapté. Pero el término del equilibrio no es un término bien adaptado. Parce que vous savez que l'équilibre, c'est quoi? C'est la somme des forces qui est égale à zéro. Pero el equilibrio, ¿qué es? Es la suma de las fuerzas que tiene que dar un resultado de cero. Et donc là, on revient sur la posture. Et en fait, on n'est pas dans quelque chose de biologique. Entonces esto viene a ser la postura, pero no es algo biológico porque biológicamente se mueve todo el rato. Donc le terme d'équilibre au sens de la physique n'existe pas. Entonces el término de equilibrio en el sentido de la física no existe. Dans le cadre biologique. En el cuadro biológico. En fait, comme le dit Helbrand, como decía Helbrand, la posture debout est une activité dynamique sur une base de sustentation qui est fixe. La postura del pie es una actividad dinámica sobre una base de sustentación fija. Y o sea, obviamente con parámetros estereométricos. Y esto lo podemos objetivar con la estabilometría. ¿Es un estereograma? Sí, cogemos un estabilograma. Lateral u anteroposterior. Tanto lateral como anteroposterior. ¿Y va con el punto en el punto? Vemos que todo el rato nos estamos moviendo. Es el aspecto biológico. Esto es el aspecto biológico. Pero, si on bouge, on sait que d'un point de vue biomécanique, c'est le pied qui bouge sous le centre de gravité. Et desde un punto de vista biomécanico, es el pie que se mueve. Le pied qui bouge pour stabiliser le centre de gravité. Es el pie el que se mueve para estabilizar el centro de gravedad. Le pied, là, ça va être le centre de pression. El pie sería el centro de presiones. Le centre de pression, donc, est représenté en bleu. El centro de presión es el que está representado en azul. Et le centre de gravité représenté en rouge. Y el centro de gravedad está representado en rojo. Si on regarde ce qui se passe, d'abord, on a un mouvement du centre de gravité qui est toujours doublé par le centre de pression. Si vemos lo que pasa, tenemos un centro de presiones que dobla el movimiento del centro de gravedad. Donc une fois pour bien visualiser, donc un centre de gravité qui est lent et qui a une course qui reste. Tenemos un centro de gravedad que es más lento y un movimiento. Del centro de presiones que va plus loin et plus vite. Que va más lejos y más rápido. Donc, ça vous en apercevez quand vous êtes sur un pied. Eso lo podemos percibir cuando nos ponemos en pour mon ombilique ne bouge pas beaucoup. Para que el ombligo no se mueva mucho. En centre de gravité, il faut que je fasse bouger mon pied. Entonces lo que tengo que hacer es que se mueva mi pie. Si je bloque mon pied, je vais partir en modifiant la position de mon centre de gravité. Y si modifico, pues si bloqueo el pie, lo que hacemos es modificar la postura, nos caemos. Et donc ça, c'est modifier son centre de gravité, c'est très coûteux d'un point de vue énergétique. Modificar el centro de gravedad cuesta mucho a nivel energético. Donc, c'est pas une bonne solution. Entonces, no es una buena solución. Et qu'on soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, cuando estamos con los ojos abiertos o los ojos cerrados, il y a pas de variation. No hay variación. Donc, ça montre que c'est le pied qui crée la stabilité. Entonces, esto significa que es el pie el que está creando la estabilidad. Alors, dans la stabilité, il va y avoir, enfin, dans la posture, il y a deux choses, il y a la position et il y a les oscillations. La estabilidad está en la posición y está en la estabilización. Alors, la position du centre de la position est en rapport avec le solaire, par exemple. La position est en relation avec le solaire. Mais pour les oscillations, pero las oscilaciones, il faut des muscles qui soient des petits muscles réactifs. Necesitan músculos pequeños activos. Et ça va être les petits muscles plantaires. Y los pequeños músculos plantares. Et qui vont jouer sur quoi? Ils vont jouer en fait sur la flexion des orteils. Esos los que van a jugar sobre todo a nivel de flexión de los dedos. Si je fléchis mes orteils, si yo flexiono mis dedos, je vais modifier mon centre de pression. Vamos a modificar el centro de presiones. Ah, le centre de pression, c'est quoi? C'est le polygone des forces qui va s'appliquer au niveau du point d'appui, donc au niveau du pied. El centro de presiones es que es lo que el polígono que se va a modificar. Le centre de gravité du polygone. El centro de gravedad del polígono. Et donc, admettons qu'il soit là. Si je fléchis mes orteils, je vais déplacer automatiquement mon centre de pression. El punto que está aquí, si yo flexiono mis dedos, va a retrasar. Et si je modifie mon centre de pression, y si modifico mi centro de presiones, je modifie mon centre de gravité. Vamos a modificar el centro de gravedad. Donc ça c'est une évidence, es una evidencia, hein, mais pas pour tout le monde. Pero esto no es así para todo el mundo. Y entonces, ¿qué es imperativo para el mundo del ojo? Lo que es muy importante para nosotros los podólogos es que el pie sea funcional. Es que el pie sea funcional. Que sea capaz de bouger. O sea, que sea capaz de que se mueva. Donc là, la thérapie manuelle qui est intéressante. Para esto, la terapia manual es interesante. Et que ce qu'on met au niveau du pied ne le perturbe pas. Y lo que pongamos a nivel del pie que no lo perturbe. Que ce soit des semelles ou des chaussures. Sea tanto plantillas o calzado. Donc là, vous voyez bien tous les débouchés pratiques qu'il y a derrière. Débouchés. Ce qui va en les conséquences derrière. Porque esto va a tener consecuencias por detrás. Les conseils de chaussage, les semelles, faut qu'elles soient adaptées. Entonces, los consejos de tanto de calzado, de plantillas, tienen que estar adaptados. Alors, on a vu que le pied bougeait. Hemos visto que el pie se mueve. Mais il y a également tout le côté viscéral qui bouge. Pero también todo el aspecto visceral se mueve. Il y a la ventilation. A la ventilación. Et si ça bouge au niveau viscéral, il va falloir quelque chose pour contrôler ou pour anticiper le mouvement. Entonces, si se mueve a nivel visceral, es importante que haya algo que lo controle o que lo anticipe. On parle de perturbation interne. Esto lo llamamos perturbaciones internas a nivel biomecánico. Et même les battements cardiaques. Y también las palpitaciones cardíacas. Peuvent être mesurés sur le plateforme de force. Los podemos medir en la plataforma de fuerzas. Oui, on a des systèmes qui sont assez précis. Bueno, eso significa que tenemos un sistema bastante preciso. Alors, on a le côté viscéral pour prendre en compte. Está el aspecto visceral que hay que tenerlo en cuenta. Également le côté emocional. Pero también el aspecto emocional. Donc, quand on voit un chien, en fonction de sa posture, on va savoir est-ce que je peux aller le caresser ou pas. Si vemos un perro y según su postura, vamos a decir, bueno, lo voy a acariciar o no. Je pense que qui irait caresser le chien de gauche? Qui vaya a acariciar el perro de la izquierda. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre à l'école, c'est intuitif. Et esto no lo tenemos que aprender en l'école, esto ya es intuitivo. On le sait. Mais, alors là, vous voyez, c'est Darwin qui s'est mis en situation pour montrer que la posture exprimait les émotions. Fue Darwin el que se puso en situación de decir que las emociones cambian la postura. Et donc, au XIXe siècle, le lien entre posture et émotion était évident. En el siglo XIX, la relación entre postura y emoción era muy evidente. Et puis au XXe siècle, ça a été totalement nié. Pero en el siglo XX fue totalmente negado. Et au XXIe siècle, ça recommence. Y en el siglo XXI, vuelve. Alors, Berthoz nous dit que la posture n'est pas seulement le maintien de l'équilibre, elle est aussi l'expression des émotions. Berthoz dijo que la postura no solamente el mantener el equilibrio, es también su expresión. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Es un parámetro que tenemos que tener en cuenta. Et nous, comment on le prend en compte à travers les semelles? ¿Y cómo lo podemos tener en cuenta nosotros a través de las plantillas? ¿Cómo lo tenemos en cuenta nosotros con las plantillas? Colocándome el elemento, según el elemento que coloque, te hará un. El D, si tú me llamas. La suculpa, por ejemplo, ¿no? Que te abre. Va a ser la suculpa, si te puedes ouvrir. Ok, por ejemplo. Y también hay un criterio importante, es la épaisseur des éléments. Y otro criterio importante es el grosor de los elementos. Parce que si vous voulez, l'émotion, c'est les gens qui vont être à fleur de peau. Las emociones están en gente que está, se dice que están a flor de piel. Qui vont être, qui vont avoir des réactions épidermiques. Que van a tener reacciones epidérmicas. Donc il va falloir que la semelle corresponde à la stimulation des capteurs qui sont au niveau de l'épiderme. Entonces es importante que la plantilla corresponda, el estímulo de la plantilla corresponda con los captores del nivel que es. De l'épiderme. Del epiderme. Et au niveau du pied, a nivel del pie, L'épaisseur de l'épiderme, c'est à peu près un millimètre. Y a nivel del pie, el grosor de la epidermis es más o menos de un milímetro. Donc, ce qui expliquerait. Esto es lo que explica. Que quand on veut jouer sur le côté émotionnel. Cuando queremos actuar a nivel emocional. On a intérêt à être en dessous du millimètre. Lo que significa que tenemos que trabajar con por debajo de un milímetro. Alors, le système postural donc a été décrit par Gaget, collaborateur. El sistema postural que fue descrito por Gaget y los colaboradores. Les grandes caractéristiques. Las grandes características. C'est un système automatique. Es un sistema automático. Il est réfléchissant, il est sous-cortical. No pensamos en ello y es cortical. Il permet le maintien du corps autour d'un point fixe relatif. Permite mantener el cuerpo alrededor de un punto fijo. Qui est le pied. Que es el pie. Et nous, podologues, on a beaucoup de chance là par rapport à ça. Y nosotros, los podólogos, tenemos mucha chance, suerte, que esto sea así. Parce que si on modifie, on met quelque chose sous le pied, on modifie le centre de pression et donc on modifie la régulation posturale. Porque si colocamos algo debajo del pie, modificamos el centro de presiones y así modificamos la postura. Alors, c'est vrai que pour de faibles mouvements. Es verdad que para los movimientos suaves, pequeñicos, jusqu'à 4 degrés, hasta los 4 grados, parce qu'au-delà de 4 degrés, porque más allá de los 4 grados, et bien, quand on dit 4 degrés, c'est 2 degrés d'un côté, 2 degrés de l'autre. Cuando él dice 4 grados, es 2 grados de un lado y 2 grados de otro lado. Donc en fait, si je fais un mouvement de plus de 2 degrés, eso significa si hago un movimiento de más de 2 grados, je vais stimuler mon système vestibulaire. Vamos a estimular el sistema vestibular. Et à ce moment-là, on est dans d'autres lois de régulation. Entonces tenemos otras leyes de regulación. Et on sait que chez l'homme normal, y sabemos, en un hombre, una persona normal, l'homme se stabilise sur un petit carré de 10 mm de côté. Esta persona se estabiliza en un pequeño cuadradito de 10 milímetros cuadrados. Un centímetro carré. Un centímetro cuadrado. Et si on traduit ça en oscillation, y esto si lo traducimos en oscilaciones, c'est inférieur à un degré. Es inferior a un degré. Un degré. A un grado. Un degré. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a pas mal de confusion dans ces histoires de degrés. Él insiste un poquito en esto porque suele haber cierta confusión en esto de los grados. Donc, normalement, je suis en dessous d'un degré. Normalmente solemos estar por debajo de un grado. Donc ça veut dire de 1 degré à 4 degrés, je suis dans quelque chose qui est non physiologique. Entonces esto significa que de 1 grado hasta 4 grados estamos en algo que no es del todo fisiológico. Et quand je suis au-delà de 4 degrés, y si estamos ya más allá de los 4 grados, je suis dans un autre système non physiologique. Estamos en otro sistema no fisiológico. Donc vous voyez, à la limite, il faudrait visualiser un petit cône d'oscillation. Entonces podemos visualizar un pequeño cono de oscilaciones. Un deuxième cône un petit peu plus large. Un segundo cono un poquito más grande. Et encore un troisième cône beaucoup plus large. Y un tercer cono todavía más grande. Ok. Est-ce que ça c'est bien clair pour vous? Esto está claro para vosotros. Alors, le contrôle postural implique le système nerveux. El control postural implica el sistema nervioso. Et les nerfs vont avoir beaucoup d'importance aussi pour dans le cheminement d'information. Y los nervios también son muy importantes para enviar la información. Si un nerf est étiré, si un nervio se estira, ça va ralentir le cheminement de l'information. Va enlentecer estas vías de información. Donc ça c'est ce qu'on apprend en PNS, notamment à travailler sur les nerfs. Entonces lo que aprendemos en PNS es sobre todo a trabajar en los nervios. Et vous, dans le cursus, vous verrez le traitement neural du pied. Y en el curso vais a ver el traitamiento neural del pie. Donc, quand on est dans un système de régulation, cuando estamos en un sistema de regulación, on fait référence à la cybernétique. Hacemos referencia a la cibernética. Ça veut dire qu'on a des capteurs. significa que tenemos factores que aportan la información a la boîte noire, que llevan la información a la caja negra, qui va recevoir la información, l'intégrer et potentiellement réagir. Y lo que va a hacer es recibir la información, integrarlo y reaccionar. Et ça va faire quoi? Ça va modifier la posture et la stabilité. Y lo que va a hacer que es modificar la postura y la estabilidad. Et comme on est dans un système cybernétique, c'est un système bouclé avec des rétroactions. Y como es un sistema cibernético, es un sistema en bucle que va a tener su rétroaction o feedback. Alors, il y a différents capteurs. Hay diferentes capteurs. Que vous connaissez, dont le côté viscéral proprioceptif. Que vosotros conocéis en el sistema visceral proprioceptivo. Mais on n'oublie pas que les émotions aussi apportent de l'information. Pero no nos tenemos que olvidar que las emociones también envían información. Et le système va gérer grâce aux muscles intrinsèques et extrinsèques du pied la posture et les oscillations du souffle. Y a través de los músculos físicos y extrínsecos del pie se va a modificar esta postura. Los músculos como los actores actuarían los músculos del pie intrínsecos y también de raquis, o sea, todos los músculos del cuerpo pueden actuar de los actores. Es que tiene un músculo del cuerpo comme endocapteur. Oui, tous les muscles du corps sont des endocapteurs, mais ceux qui travaillent les premiers, de manière le plus importante, c'est les muscles du pied. Dice que sí, que todos los músculos del cuerpo pueden trabajar como endocapteurs, pero los que trabajan primero suelen ser los músculos del pie. Alors, tout ça, ça dépend du contexte. Todo esto depende del contexto. Si je demande à quelqu'un de fixer quelque chose, si pido a alguien que fije algo, donc il va s'accrocher à ses yeux. Donc là, les oculomoteurs vont devenir plus importants. Entonces, lo que va a hacer es engancharse a sus ojos y entonces los oculomotores van a tener más importancia. Et s'il y a des dysfonctions au niveau des muscles, du bassin, du rachis ou du crâne, si hay disfunciones a nivel de los músculos raquídeos, de la pelvis o del cráneo, ça va perturber le reste. Va a perturbar el resto. Et là, ce que j'exprimais, c'était le côté physiologique. Lo que está diciendo él es el aspecto fisiológico. On a des synergies musculaires. Tenemos sinergias musculares. Là, on voit que quand la tête est en extension, les pieds sont en extension. Aquí vemos que cuando la cabeza está en extensión, los pies también están en extensión. Si on met la tête en flexion, si colocamos la cabeza en flexión, on va mettre le membre inférieur et les pieds en flexion. Ponemos los miembros inferiores y los pies en flexión. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la physiologie s'exprime de manière systémique, globale. Esto hay que entenderlo, que la fisiología se expresa de una manera sistémica global. Si on regarde un petit bout, si miramos solamente una parte, on va rien comprendre. No vamos a entender nada. Et globalement, ça sert à quoi? ¿Y esto para qué sirve en general? Notamment dans le côté position debout. Sobre todo cuando estamos en una posición de pie. À pouvoir bouger de manière économique. Para poder movernos, pero de manera económica. Quand on demande à quelqu'un de reculer la tête et les épaules, cuando pedimos a alguien que retrase la cabeza y la espalda, il va avancer son membre inférieur. Va a avanzar sus miembros inferiores. Quel est l'avantage? ¿Cuál es la ventaja? C'est que si je modifie deux segments, si modificamos dos segmentos de manière synchrone, de manera sincronizada et opposée, y opuesta, je ne vais pas modifier l'ensemble. No vamos a modificar el conjunto. Ça, c'est important à comprendre. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Esto es importante que lo entendáis. Claro. Je modifie le haut, je modifie le bas. Modifico lo que está arriba, modifico lo que está abajo. Il a preso il tono da parrucca. Però la risultante non è che cambia. Si par contre on a des problèmes. Però per esempio se tenemos problemas. Ça va être mal synchronisé ou tout va bouger d'un bloc. No está sincronizado, entonces todo va a moverse del mismo lado. À ce moment-là, ben, je vais falloir que je modifie l'ensemble. Y entonces ya estamos modificando el conjunto. Et donc, il y a une dépense énergétique qui est plus importante. Y hay un gasto energético que es mucho más importante. Dès la fin du 19e, Duchesne de Boulogne avait compris que les contractions musculaires isolées ne sont pas dans la nature. A finales del siglo XIX, Duchesne de Boulogne entendió que las contracciones musculares isoladas no existen en la naturaleza. Una cosa, si tenéis algo traducido, Leire lo va a pasar, porque solamente tenéis que leer los apuntes, ¿vale? Así la traducción. D'accord. Donc, voyez que au 19e siècle, vemos que en el siglo XIX, on sait déjà qu'il faut garder l'ensemble. Sabíamos todavía que teníamos que mirar el conjunto. Donc il est difficilement compréhensible lo que es difícilmente entendible que aujourd'hui hoy en día, donc presque deux siècles après dans les écoles on n'apprenne pas encore à regarder l'ensemble. Casi dos siglos más tarde nosotros no en las escuelas nos enseña el global. Pourquoi? Parce que c'est pas rendre service aux patients. Parce que si on ne regarde pas l'ensemble, on ne va pas pouvoir bien aider les patients. Parce que si nous entendons un conjunto, nous ne pourrons pas aider bien le patient. Perdón, ça serait une compensation. O sea, se resumiría esto como que el cuerpo hace compensaciones ante un. Esto, el tema es que estaba comentando, en la realidad de la consulta, sería que cualquier movimiento hace una compensación de la parte de arriba a la parte de abajo. Ça, ce que tu expliques, quand on est là, dans le cabinet, c'est des compensations, un déséquilibre entre la parte de abajo, la parte de arriba. Est-ce que les patients compensent s'il y a une compensation? C'est pas histoire de compensation. Si esto que está hablando de las energías musculares, la conclusión final es que cuando hay un movimiento X de manera fija, el cuerpo compensa en el otro lado para equilibrarse. Vale. El tema, si le animando a su poder, o le digo agua, es que la conclusión es que lo que me gusta es quel sens on donne aux compensations. Lo que no le gusta es, bueno, quisiera saber en qué sentido usas la palabra compensación. Para evitar un desequilibrio mayor, el cuerpo busca una adaptación que le haga gastar menos energía. Compensación, ça donne une idée, en tout cas pour moi, que c'est quelque chose qui vient après. Compensación dice que es algo que viene después. Alors là, si tu regardes, ce n'est pas des choses qui viennent après, c'est des choses qui viennent en même temps. Aquí, si lo miramos, no es algo que venga después, es algo que pasa al mismo tiempo. Ça veut dire qu'il y a des programmes internes. Eso significa que hay programas internos qui fonctionnent et qui font travailler le haut et le bas en même temps. Y funcionan y entonces hace que la parte de arriba y la de abajo funcionen a la vez. Après, au niveau de compensation, ça induit un côté pathologique. Quand on parle de compensations, ça induit un aspect pathologique. C'est un équilibre, chercher un équilibre. Trouver un équilibre. Les synergies musculaires sont là pour trouver une stabilité qui est peu coûteuse au niveau de la vie. La synergie musculaire est faite pour qu'il y ait un. Para que el gasto energético sea menor. Alors, le pied dans tout ça. El pie en todo esto. Si on prend Simon Bouisset, qui est un professeur émérite de biomécanique. Simon Bouisset es un profesor americano de biomecánica. americano, ¿no? Profesor, emeritus. Ah, emeritus. No, vale. La biomecánica se parece a la biomecánica. Yo no soy americano. ¿Cuál es? Emérito. Et que j'invitais à parler des confrères, nous dit le pied apparaît bien plus que l'un des chaînons de la chaîne posturale. Son rôle particulier vient du fait qu'étant en contact avec le sol, il existe un double rôle, celui d'effecteur et celui capteur. Et la problématique, quand on dit qu'on fait des semelles biomécaniques, ça veut dire qu'on n'intègre que la notion d'effecteur. Solamente intégramos la notion de efectores. Et pas la notion de capteur. Pero no la notion de capteurs. Et la notion essentielle, c'est la notion de capteur. Y la notion essentielle es la notion de capteurs. Et parce qu'il y a une stimulation, qu'il y a une réaction biomécanique. Porque hay una estimulación que tenga una respuesta biomecánica. D'accord? Donc il faut intégrer les deux. Entonces hay que integrar los dos. Et la biomécanique et le côté sensoriel. Tanto la biomecánica como el aspecto sensorial. Et bien comprendre que c'est absolument pas en opposition. Y hay que entender que estos no están absolutamente en oposición. Mais le problème au niveau podologique. El problema a nivel podológico. C'est que tout le monde dit faire de la biomécanique. Que todo el mundo dice que hacen la biomecánica. Alors qu'en fait ils ne font que de la mécanique. Pero no están haciendo más que la mecánica. Parce que le bio, il revient à quoi? À la régulation. Porque la bio viene a ser la regulación. Et la régulation, elle est en rapport avec quoi? Avec les capteurs. Y la regulación está en relación con qué? Pues con los capteurs. Donc, sans mauvais jeu de mots, les seuls qui font de la biomécanique, c'est ceux qui font de la posturologie. Entonces, los que hacen la verdadera biomecánica son los que hacen la posturología. Et on est bien d'accord que si on met un micron sous un pied, estamos de acuerdo que si colocamos un micrón debajo de una micra, ¿no? Debajo del pie. Est-ce qu'on est en rapport avec quelque chose de biochimique? Estamos en relación con algo bioquímico? Non. Est-ce qu'on est dans des forces atomiques? Fuerzas atómicas? Non. Donc c'est quoi? Entonces qué es? C'est biomécanique. Es biomecánica. Et là on est dans la vraie biomécanique. Pero estamos en la verdadera biomecánica. Si vous mettez un centimètre sous un pied, si ponemos un centímetro debajo del pie, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des capteurs? ¿Qué es lo que pasa a nivel de captores? Vous les avez saturés. Los habéis saturado. Donc c'est plus de la biomécanique. Entonces esto ya no es biomecánica. C'est de la mécanique. Es mécanica. Est-ce que ça c'est clair pour vous? ¿Esto está claro? En podologie, le problème c'est qu'on met des mots et on a perdu le sens des mots. En podología el problema es que tenemos palabras, pero hemos perdido el sentido que es de las palabras. Alors, on sait que chez l'animal, sabemos que los animales, là, un animal qu'on a décérébré, délectomisé, cuando tenemos un animal que está descerebrado, le han quitado el cerebro y el cerebro. Quand on stimule sous une patte, cuando estimulamos debajo una pata, on va augmenter le tonus de la patte. Aumentamos el tono de la pata. Et quand on stimule sous les deux pattes, y cuando estimulamos bajo las dos patas, on va augmenter le tonus de l'ensemble du dos. Et aumentamos el tono del conjunto del dorso. Et là, on voit donc que c'est le côté stimulation cutanée plantaire. Esto es que el aspecto de la estimulación cutánea. Qui va moduler l'ensemble du tonus. Es la que modula el conjunto del tono del cuerpo. Donc, qui voit, c'est que le pied, il a une situation particulière. Esto es porque los pies están en una situación particular. Parce que quand on met quelque chose de lourd sur le dos, porque cuando colocamos algo que pesa encima de la espalda, on stimule la peau du dos et on stimule la proprioception. Estamos estimulando la piel de la espalda y también la propriocepción. ¿Es que voy en reacción? ¿Pero veis alguna reacción aquí? No. Donc la stimulation du pied va entraîner plus qu'un poids sur le dos. Eso significa que la estimulación en el pie va a ser más importante que la estimulación de la espalda. Chez le fœtus, en el feto, on a déjà des réflexes de repousser du sol. Tenemos reflejos de levantarse del suelo. Et le premier réflexe de repousser du sol, il est à départ podal. Y el primer reflejo de levantarse del suelo es el reflejo podal. Et puis après, ça va être au niveau donc pied, jambes, cuisse, dos et tête après. Y esto empieza por el pie, pierna, cadera, dorso y luego la cabeza. Alors, les capteurs, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils ont un seuil qui est très très bas. Hay que acordarse que los captores tienen un umbral muy muy bajo. Puisqu'on a un seuil a partir de 0,03 gramos. Y tenemos un umbral de 0,03 gramos. Donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour vous donner de l'information. Entonces significa que no tenemos que hacer mucho para dar esa información. Et le seuil est très bas. Maintenant vous vous rappelez que quand on augmente la force. Entonces el umbral es muy bajo. Donc, si ahora aumentamos la fuerza. Dans un premier temps, on a une augmentation de la réponse, le nombre d'impulsions par seconde en ordre. Entonces, al principio tenemos un aumento de reacción de impulsos por segundo. Et puis, si on met une force plus importante, on n'a pas plus de réaction. Si metemos una información más grande. No tenemos mayor respuesta. Et si on met encore plus, y si damos todavía más información, on aura moins. Tenemos menos reacción. Là, on est dans du biologique. Aquí estamos en lo biológico. Ceux qui raisonnent de manière mécanique, ils vont dire plus je pousse, plus j'ai de résultats. El que está razonando de manera mecánica va a decir cuanto más pongo, más reacción tengo. Et c'est pas la vérité. Y esto no. Alors, les capteurs, on peut les anesthésier. Los captores podemos anestesiarlos. Si on met de la xylocaïne au niveau du nerf tibial. Si metemos xylocaïne en el nervio tibial. Et qu'on attend un petit peu, on va avoir anesthésié la plante du pied. Y esperamos un poquito, anestesiamos la planta del pie. Et si on anesthésie la plante du pied droit. Y si anestesiamos la planta del pie derecho. La personne va se retrouver sur son pied gauche. Bah, nous vamos a encontrar que esta persona está sobre su pie izquierdo. Si on anesthésie les deux pieds avec du froid, si anestesiamos los dos pies con agua fría, on va modifier la surface d'oscillation et la longueur d'oscillation. Vamos a modificar la superficie de oscilación y la longitud de la oscilación. Ça veut dire que par exemple chez les personnes âgées, por ejemplo, en personas ancianas, vous avez intérêt à stimuler les capteurs. Avec des petits jeux, marcher sur du sol irrégulier, servir d'une brosse, d'un paillasson, etc. pour stimuler les capteurs. Es interesante en las personas mayores que hagamos estimular estos captores, pues jugando con diferentes cosas bajo el pie, diferentes relieves. Est-ce que ça c'est des choses nouvelles? Non, on le savait déjà à la fin du 19e siècle. Y esto es nuevo? No, esto se sabía antes del siglo XIX. Alors, vous n'oubliez pas que la mousse correspond à une anesthésie. No olvidéis que la espuma es como una anestesia. Donc, mettre des selles avec de la mousse partout. Pues, si colocamos unas plantillas con espuma por todo. Ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être favorable. Ah, non, c'est favorable. Alors, quand on perturbe au niveau du pied, soit au niveau anesthésie, soit au niveau biomécanique. Quand nous perturbons le pied, sea con anestesia ou sea a nivel. Anesthésie ou biomécanique. En réduisant la base d'appui. Réduisant la base d'appui. On modifie la tactique d'équilibration. Modificamos la tactique d'équilibration. Et plus il y a de degrés de liberté. Y cuanto más haya grados de libertad, plus le système, moins le système est économique. L'économie du système est pire. Alors, les stimulations cutanées. Les stimulations cutanées. Elles ont été observées chez le rat. Se observaron en las ratas. Donc, on a regardé ce qui se passait au niveau IRM fonctionnel dans le cerveau. Y vimos lo que pasaba a nivel funcional en el cerebro. Alors, pour augmenter les forces au niveau des pattes, para aumentar la fuerza a nivel de las patas, les rats ont les amis ont des centrifugeuses. Pusieron a la rata en un sistema et on a regardé avant et après la région qui correspondait à la patte. Et vieron antes et después la région qui correspondait à la patte. Et quand on les fait faire pendant quelques semaines des tours de manège comme ça tous les jours. Et quand durant une semaine on les fait faire des tours de manège pendant on va voir qu'au niveau cérébral, la surface elle va grandir. Y vimos que a nivel cerebral la superficie había aumentado. Si par contre on les met dans un plat, pero de lo contrario se les colocaba en un yeso, donc, en la pata, diminue la formation, disminuimos la información, la surface va rétrécir. La superficie había reducido. On sait que des fins reliefs, sabemos que la relieve espina, d'un millimètre, les diplômes là qu'on a mis dans un plateau, qui ressortent d'un millimètre, modifient la régulation posturale. Sabemos que modifican la régulation posturale. Donc, mais que les yeux ouverts. Con los ojos abiertos. Là, on a des résultats significatifs. Tenemos aquí resultados significativos. Les yeux fermés, on n'a plus de résultats significatifs. Pero con los ojos cerrados, no tenemos resultados significativos. Et il y a beaucoup de données comme ceci. Esto suele pasar bastante. Ou en fonction qu'on ait les yeux ouverts ou fermés, on a des résultats qui sont différents. Y si estamos con los ojos abiertos o cerrados, tenemos resultados diferentes. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien. Hoy en día, esto que quiere decir, no sabe. Mais ce qui est clair qu'il faut conclure, c'est qu'on est obligé de regarder, de tenir compte des afférences sensorielles. Pero lo que... Les afférences. Les informations qui viennent des sens. Esto significa que estamos obligados a valorar las afferencias sensoriales. Alors, les traitements posturologiques. Los tratamientos posturológicos. La définition, c'est une spécialisation du podologue permettant le traitement des troubles fonctionnels de la stabilité de la posture par l'intermédiaire du pied. Et le but, c'est donc de stabiliser le patient par rapport à l'environnement et par rapport à lui-même. Alors, ce qui est important, c'est le par rapport à lui-même. Lo que aquí es importante es respecto a sí mismo. Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut mieux être à peu près droit que tordu. Es verdad que todo el mundo está de acuerdo que es mejor que esté un recto que torcido. Et quand vous avez un patient qui a une scoliose de 40 degrés. Pero si tenemos un paciente que tiene una scoliose de 40 grados. Qu'est-ce que vous faites? ¿Qué haces? Comment vous le remettez droit par rapport à l'environnement? ¿Cómo lo colocas recto respecto al entorno? C'est pas possible. Esto no es posible. Donc il va falloir le fonctionnaliser par rapport à ses capacités. Entonces lo que tenemos que hacerlo es funcionalizar de acuerdo con sus capacidades. Et comment je vais savoir ses capacités par rapport au test? Et comment c'est, quelles sont ses capacités? Pues, nous le vont dire les tests. Et quelqu'un qui a une scoliose de 40 degrés, on peut lui faire un posture dynamique. Et, aunque tenga alguien una scoliose de 40 grados, le podemos hacer un posture dynamique. Je ne vais pas le remettre droit, mais je peux lui redonner de la fonction. Non, le puedo poner recto, pero le puedo ayudar a que fonctionne mejor. Et s'il a de la fonction, peut-être qu'il aura plus de douleur. Et si fonctionne mejor, puede que no haya más dolores. Sí, antes cuando explicó lo de la percepción sensorial plantar y las reacciones plantares, tenía yo apuntada la duda de la escoliosis, que poner un corsé a la persona con escoliosis es anular la información, pues viene mejor lo que está diciendo en la plantilla, ¿no? Es que C'est des questions un petit peu compliquées parce qu'il y a tout un côté, il y a ce qui semblerait intelligent de faire. Es una cuestión un poquito complicada porque una cosa es lo que parece que va a ser mejor. Et puis il y a le côté médico-légal. Y luego está el aspecto médico-legal. Donc en règle générale, quand il y a des scolioses supérieures à 30 degrés. Entonces, como regla general, si hay scolioses superiores a 30 grados. Ils vont être suivis par un spécialiste de la scoliose. Lo va a llevar el especialista de la scoliosis. Donc, en règle générale, en France, c'est des chirurgiens orthopédistes infantiles. Entonces, en Francia, por ejemplo, son los cirujanos ortopédicos infantiles. En général. En général. Et en éducateurs. Y los educadores. Donc, s'il prescrit un corset. Si hay una prescripción de un corset. Toi, c'est difficile de faire. Tu peux pas faire retirer le corset. Tú no puedes hacer que retiren el corset. Mais les corsets, c'est bêtement mécanique. Pero el corset es algo mecánico. Le dos, il part par là, je pousse de l'autre sens. Si la espalda se va a un lado, empujo y lo llevo al otro lado. Et quand je fais une radio avec le corset, c'est mieux. Y cuando hago una radiografía con el corset, está mejor. Mais certainement qu'on pourrait faire mieux. Et il y a des corsets, déjà il y a plein de types de corsets. Es evidente que todo lo podemos hacer mejor, pero también hay muchos tipos de corsets. Alors il y a des corsets qui sont plus intelligents que d'autres. Hay corsets que son más inteligentes que otros. Notamment des corsets qui ont été mis au point au Canada. Sobre todo los corsets que se hacen en Canada. Où il y a, c'est pas des trucs rigides, c'est plutôt des bandes de tissu qu'on peut tendre ou détendre. No son algo rígido, son como tejidos que podemos tensarlos y destensarlos. Et on peut associer les deux. Y podemos también asociar los dos. Mais à ce moment-là, comme le. Alors, ça va dépendre, est-ce que le corset. La jeune fille, elle le porte 24 heures sur 24, ou elle le porte que la nuit. Pero también es la niña lleva el corset 24 horas o solamente lo lleva por la noche. Si elle porte que la nuit. Si lo lleva solamente por la noche. Je suis pas perturbé pour faire les semaines. No hay ningún problema porque yo hago las plantillas. Donc là, j'examine la jeune fille sans corset. Entonces vamos a examinar a la niña sin corset. Par contre, si elle a un corset 24 heures sur 24, pero si lleva un corset 24 horas, ça veut dire que le corset fait partie d'elle. Esto significa que el corset es como una parte de ella. Et je ne vais pas tester parce que le corset il améliore ou il aggrave. Entonces no vamos a testar si el corset lo mejora o lo empeora. Parce que si on téléphone en France. Si vous téléphonez au chirurgien orthopédiste en disant bah, ton corset il va pas. Parce qu'en France, par exemple, si tu llamas un chirurgien orthopédiste et lui dis que son corset ne va pas. Ça ne va pas marcher. Non. Alors il faut vraiment que ce soit un copain. Je pense qu'en Espagne, ça va être pareil. En Espagne, il dit que ça va être pareil. Ouais, j'imagine. On essaye de faire du mieux qu'on peut malgré les contraintes qui peuvent venir du corset. Tenemos que intentar hacer lo mejor posible, pero teniendo en cuenta todos los aspectos con los que viene el paciente. Va en relación a eso que has comentado, que una paciente que lleva un corsé de noche, entonces yo lo que hice fue testarla en camilla para ver si esto, no sé si esto es viable o no es viable. Para saber el corsé. El corsé puesto, sí. En camilla, como ella lo utiliza para dormir, vale. Únicamente, no sé si... La educación, el corsé de la mami, le corset sur la table. Est-ce que c'est assez intelligent hein? Oui, tu peux le tester aussi debout, mais c'est bien de le tester couché. Está, también lo puedes testar de pie, pero está bien que lo testes tumbado. Es que lo testé de pie y de repente me di cuenta, si ella lo utiliza solo de noche, porque lo estoy estando de pie, si ella no lo está utilizando. C'est-à-dire que un test n'est pas toujours fiable à 100%. Donc ce que j'imagine quand tu as testé, tu as dû faire la demande de convergence codale. Donc c'est bien de faire que si tu as 2-3 tests qui te disent la même chose. C'est un plus. Sí, yo la testé de pie, hice los posturodinámicos con solamente con el corsé, luego con el corsé y los soportes posturales, y con el corsé y los soportes posturales, con todo junto, mejoraba, y luego cuando lo hice en camilla me costaba mucho, la niña se dispersaba y me costó hacer la exploración correctamente. Sí, bueno, me la carpeta, es que no tengo memoria. A ver, le suelo el corsé, a ver, le suelo el corsé, a ver, le suelo el corsé, el anillo, me la carpeta, la lámpara de dispersé, pero lo óptimo sería testarlo en camilla o da igual. No, mi pregunta es si es importante testarlo en camilla porque duerme. Pregunto si es más fiable o da igual, y simplemente lo testar los dos. El problema de testar el corsé. Si tú testas, ¿qué va a pasar? Si lo testas y no va. ¿Es que tú? No, solamente lo apuntas porque los padres están convencidos de que va bien. No, él me pasó que su papá estaba bien, estaba bien. ¿Y si no va bien? ¿Qué haces? ¿Qué es que tú dices? Pues es que es un caso difícil porque viven en Estados Unidos y el ortopeda vive en Estados Unidos, no le voy a llamar para... Vale, sí, que es el caso difícil, no. Aux États-Unis, tu t'en fous quoi, là, si c'est aux États-Unis. Y la familia está convencida de que eso le va bien, aunque yo piense que no le va bien, pero lo testo. On va pas rentrer dans les trucs trop en détail, parce que sinon on va pas se concentrer. Vale. Bien. Tu voulais demander? Es que Guillermo también está viendo, Adrián Petitou, si un va a hacer el cosien plantar, abre los yeux verts, los yeux fumés o un santo. ¿Le cosien plantar? Oui. Non, ça ne s'en fout pas. Nous, on a publié des résultats où il y avait des modifications du cosien plantaire que les yeux fermés. Hay hecho estudios que hay modificación del cociente plantar con los ojos cerrados. Entonces, que no nos que es importante. On a eu des résultats significatifs dans une population lombalgique. Hemos tenido resultados significativos en una población de gente con lumbalgias. On a enregistré avec et sans mousse. Han registrado con y sin espuma. Y el resultado significativo no les ha eu que les yeux fermés. Y el resultado significativo ha sido solamente con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos nunca. Hay que decir que ha venido ver y ni ha pasado el resultado significativo. Dans cette étude là, mais ça veut dire. En este estudio. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on s'en fout pas que les yeux soient ouverts ou fermés, ça change quelque chose. Lo que dice es que yo le he preguntado antes, ¿no da igual si es ojos abiertos o cerrados? Y él me dice, no es lo mismo. O sea, hay sales diferentes si es ojos cerrados o abiertos. Hay que hacer los dos. Con respecto al corsé nocturno, ¿Es posible la combinación de escoliosis inferiores a 30 grados y combinación? Espera, voy por partes. Avec corsé nocturne et avec des enfants avec scoliose inférieure à 30 degrés. Combinación tratamiento postural, plantillas posturales más corsé, o podemos poner el corsé un poco en stand-by y ver cómo va con la plantilla. En stand-by, ¿qué quieres decir? Que lo quite. Que lo retire vale. Para ver si puede ser retirado. Es que se realiza el corsé en SM o un poco de antes del corsé tan sencillo. Si tu fais retirer le corset et que il se passe chez toi autre chose, si à niveau médico légal, si retire le corset et que la scoliose est en 30 degrés. No hay ninguna otra cosa, para el coste con la escoliosis es menos de 30 grados. ¿Me dijiste, Patio? Entonces, ¿no es Patio? Y la plaza se sentía bien. No te vas a sentir bien. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire en milieu hospitalier. Estas cosas son las que podemos hacer en medio hospitalario. Vous avez un copain qui s'intéresse à la scoliose et qui veut voir ce que fait la posturo, là on peut le faire. Si hay algún compañero que trata de scoliose et si se intéresse à la posturologie, si on peut faire un petit peu ce qui se passe. On va faire un protocole, on va voir l'agrément du comité d'éthique, etc. Podemos hacer un protocolo, podemos hacer un comité ético. Mais c'est compliqué quoi. Je ne suis pas confiné, mais pensez aussi à vous sauvegarder, à vous protéger vous. Donc, vous devez penser à protéger vous aussi. Alors, donc, l'information, elle va arriver par les différents capteurs. Donc, l'information va arriver à travers les différents capteurs. Musculaire, articulaire, cutané. Musculaire, articulaire, cutané. Ça va arriver au système nerveux. Esto lleva al sistema nervioso. Y en retour, il va modifier donc, les tensions au niveau des muscles extrinsèques du pied. Y va modificar la tensión a nivel de los músculos extrínsecos del pie. Si va modifier donc, le centre de pression. Entonces, lo que va a hacer es una modificación del centro de presiones. Alors, les semelles de posture. Las plantillas de postura. On est sûr qu'elles jouent sur le côté cutané. Estamos seguros. Mais elles peuvent également, en fonction de l'épaisseur, agir sur la proprioception. Et à mon sens, on parle encore trop aujourd'hui de semelles proprioceptives. A su manera de ver, hoy en día todavía se habla demasiado de las plantillas proprioceptivas. Alors, l'action d'une barre antérieure. L'action de una barra anterior. Ça va être de postérioriser l'individu. Es posteriorizar el individuo. Donc en fait, c'est assez simple. La théorie des semelles, c'est qu'on fuit la stimulation. Esto es bastante simple. La teoría de las plantillas es que fluye la estabilización. Donc, si on augmente le relief antérieur, qu'est-ce qu'on donne comme information au cerveau? Entonces, si aumentamos la relief antérieur, ¿qué información estamos dando al cerebro? S'il y a trop d'appui antérieur, c'est que je suis trop en avant. Entonces, si hay demasiado apoyo anterior, esto significa que estoy muy adelantado. Et c'est le cerveau, le système nerveux, qui va corriger. Et entonces, es el cerebro, el sistema nervioso, qui lo va corriger. Ça, c'est une notion importante à comprendre. Parce que la podologie, c'est quoi? C'est qu'il y a un pied qui tombe d'un côté, je le pousse de l'autre. Esto es una noción muy importante. Para entenderlo, porque la podología que es, o sea, el pie cae de un lado y entonces lo pongo del otro lado. En fait, là, on donne une information au cerveau pour modifier la régulation posturale. Y nosotros lo que hacemos es dar una información al cerebro para modificar las cosas. Et il a été montré que qu'on mette un dixième de millimètre ou 8 mm sous le pied. se demostró que si colocamos una décima de milímetro o 8 milímetros debajo del pie, on avait des modifications significatives des surfaces. Tenemos una modificación significativa de la superficie. Donc, et dans certains cas, on a le même résultat avec une feuille de papier, donc un dixième de millimètre, et avec 8 millimètres. A veces tenemos el mismo resultado con una hoja de papel y con 8 milímetros. Si j'ai le même résultat, pourquoi mettre 8 mm si je peux mettre un dixième de millimètre? Y si tenemos el mismo resultado, ¿por qué vamos a meter 8 milímetros si puedo meter una hoja de papel? Alors, Marc Janin, un de nos collègues qui a fait un rapport en sciences. Marc Janin, qui est uno de sus colegas, qui hizo un doctorado en ciencias, a testé les barres antérieures, au niveau stabilométrique. Testé les barres antérieures à niveau stabilométrique. Donc, on regarde la position Y, c'est-à-dire la position antéro-postérieure. Miramos la posición de Y, es decir, la posición anterior-posterior. Et donc, on a la moyenne de sa population. Y ahí tenemos la medida de esa población. On va mettre les éléments antéro-internes. Colocaron los elementos antero-internos. Et on s'aperçoit qu'on a un recul significatif. Y vieron que había un retroceso significativo. Même hautement significatif, puisqu'on a appelé 0,0. Hautement significatif. Ah, altamente significativo, porque en realidad el P est menor a 0,0. Si on met des éléments latéraux, si colocábamos los elementos laterales, vous voyez qu'il n'y a plus de modification. Que no había modificación. Si on met des barres, y si colocaban las barras, on va voir les modifications les plus importantes. Es aquí donde vemos la modificación más importante. Ça, ça rejoint le fait. Qu'a priori, il ne faut pas mettre de choses en latéral. Entonces, esto también lo que confirma es que a priori no hay que colocar elementos en la zona lateral. Donc, la plupart des problèmes sont liés à des antériorisations de la ligne de gravité. La mayoría de los problemas vienen por la anteriorización de la línea de gravedad. Donc, l'idée, ça va être de reculer les patients. Donc, la idée tiene que ser retropulsar los pacientes. C'est qu'est-ce qui va se produire? Là, plus je suis en avant, plus je crée de contraintes au niveau de mes pieds, plus je crée de contraintes au niveau de mon dos. Esto significa que cuanto yo más adelantado estoy, más problemas voy a tener a nivel del antepié y más tensiones voy a tener a nivel de la espalda. Alors, maintenant, ce que je vous ai fait là, c'est très schématique et c'est faux. Hein. Esto que está hecho aquí es muy esquemático, pero es falso. Il y a des gens qui peuvent être en avant posturalement. Puede haber gente que esté adelantado posteriormente y que tiene un centro de presión que es néanmoins assez posterior. Pero que tiene un centro de presiones que es bastante posterior. C'est juste pour l'illustration. Es solamente para la ilustración. Donc les zones qui vont se retrouver en conflit. Y estas son las zonas que vamos a encontrar en conflicto. Donc, a priori, si on veut traiter ça. Entonces, a priori, si queremos tratar esto, on va utiliser des barres antérieures de 1 à 3 mm. Vamos a utilizar las barras anteriores de 1 a 3 mm. Et quand on veut jouer sur la position, y cuando queremos jugar con la posición, les études de Marc de Janin ont montré que 3 mm étaient favorables. Vieron esto en estos estudios que 3 mm era favorable. Autre chose qu'il faut avoir en tête. Otra cosa que hay que tener en mente, c'est que quand quelqu'un a une posture antérieure, cuando alguien tiene una postura anterior, bah, à ce moment-là, c'est son solaire qui va travailler, en este momento, es el solaire qui va trabajar, mais également ses érecteurs spinales. Pero en este momento también el érecteur spinales. Alors que quand on n'est pas dans une posture normale, dans une posture non antériorisée, cuando tenemos una postura que no es anteriorizada, les érecteurs spinales ne travaillent pas. El érector spinalis no trabaja. Donc, voyez là, là c'est la posture arrière, normale. Esta es la postura para atrás, normal, vamos a decir. Voyez, les érecteurs spinales ne travaillent pas. El érector spinalis no trabaja. Je me penche en avant, les érecteurs spinales commencent à travailler. yo me voy para adelante y entonces este lector espinal se empieza a trabajar. Pero, ¿lo côté sistémico? El aspecto sistémico. Quand on a quelqu'un qui a la tête bloquée, le corps bloqué, qui a une cible visuelle à 1 mètre du regard. Quand on a quelqu'un qui a la cabeza bloqueada, le corps bloqueado et qui a une diana visuelle. Et qu'on va aller dans le noir. Et le colocamos en un cuarto oscuro. Et quand on va vibrer au niveau du tibia antérieur. Creamos una vibración a nivel del tibia anterior. On va avoir une illusion que la cible visuelle monte. Vamos a tener una ilusión de que esta diana visual sube. Ça, c'est important pour nous. Esto es importante para nosotros. Parce que ça laisse suggérer quoi? Esto, ¿qué es lo que sugiere? Que quand vous mettez des semelles de posture, cuando colocamos plantillas de postura, vous faites de l'orthopsie. Estamos haciendo ortopsia. Ortoptometría. Donc vous faites la vous faites de la rééducation de l'œil. Lo que significa que estamos haciendo una reeducación del ojo. Et il est donc stupide de faire un test. On dit ah, il a un problème de convergence oculaire. Es estúpido hacer un test y decir hay un problema de convergencia ocular. Donc, il faut aller chez l'optométriste. Y tienes que ir al optometrista. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose de systémique? Es algo sistémico. Tout le monde est d'accord avec ça? ¿Está todo el mundo de acuerdo con esto? Bon, et ça marche pareil au niveau du solaire, du fibulaire. Donc, on oriente le regard. Y esto pasa igual a nivel del suelo, del peroné. Lo que hacemos es orientar el ojo. Alors, il y a des études qui ont été faites avec des semelles là, de type root. Los estudios que se hicieron con plantillas tipo root. Où on regarde au niveau électromyographique ce qui va se passer au niveau des érecteurs spinae et du gluteus medius. Vieron con electromiografía lo que estaba pasando en el erector spinalis y en los glúteos. Glúteos medios. Donc pendant la marche, et il y a des modifications. Y caminaba y a ver si había modificaciones. Donc là vous rappelez, c'est deux tests cliniques. La distance doit ser. Hay dos tests clínicos, uno es la distancia al suelo. Et la flèche thoracique en T6. Y la flecha torácica en T6. En fonction de barre antérieure, 1 mm, 1 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm. En función de la barra anterior, de 1 mm, 2, 3, 4, 8. No, 2, 3, 5, 8. Donc, on va s'apercevoir que les deux courbes sont symétriques. Bon, podemos percibir que las dos curvas son simétricas. On a donc, on va dire, une amélioration de 1 à 3 mm. Tenemos una mejoría de 1 con 3 mm. Et une aggravation de 5 à 8. Y una aggravación de 5 a 8. Donc il semblerait qu'il se passe quelque chose de particulier autour de 3 mm. Y esto significa que pasa algo ahí, alrededor de los 3 mm. Il serait la meilleure valeur pour réguler les points toniques. Esto significa que es el mejor valor para regular el tono tónico. Et si on inverse, enfin si on va plus haut, pero si subimos más, on va inverser les paramètres. Estamos invirtiendo los parámetros. Donc ça veut dire que si on prend ce schéma-là, si cogemos este esquema de aquí, quelqu'un qui est en avant, je lui mets 3 mm sous les pieds, il recule. Hay alguien que está para adelante, le colocamos 3 milímetros en el antepié, lo retrasamos. Si yo mets 8 milímetros, il avance. Si le colocamos 8 milímetros, va para adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en train de le mettre en táctica de hoche. ¿Y lo que estamos haciendo? Lo estamos colocando en táctica de madera. Y el problema es que podemos améliorer des algies au niveau de la ¿Y cuál es el problema? El problema es que puede que me Mais par contre, vous comprenez que si le mien est comme ça, on va créer des problèmes sous-jacents. Donc, dire, ah ben moi je fais ça parce que j'ai des bons résultats, c'est insuffisant. Alors, autre chose qui est importante, donc, quand vous voyez cette image, ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce qu'il va falloir dire sur cette image pour vous? Otra cosa importante cuando vemos esta imagen es todo que nos recuerda. Et on sait que quand il y a de la pathologie, on va inverser. À ce moment-là, c'est les muscles de l'action qui vont travailler avant les muscles posturaux. Voilà. Quand il y a une perturbation exogène, on va s'apercevoir que également les premiers muscles à travailler sont les muscles extrinsèques du pied. Sabemos que los primeros músculos en trabajar son los músculos intrínsecos del pie. Et quand on mesure le mouvement de la tête et on fait de l'ESG au niveau du trapèze et de la sphère, quand nous faisons le mouvement de la cabeza et medimos el on va s'apercevoir, là vous avez donc, les pointillés, c'est le déplacement de la plateforme. El pointillé, esa zona, es el desplazamiento de la plataforma. Donc là, c'est le mouvement de la tête. Eso es el movimiento de la cabeza. La réaction du trapèze en bleu. La réaction du trapèze en azul. Et la réaction qui a sauté en rouge. Y la réaction de la gastrocnémie en rouge. Donc qui réagit? Entonces reacciona. ¿Qué magia? ¿Qué reacciona? La cuarta economía. ¿Quién es el músculo que reacciona? ¿Quién es el músculo que reacciona? Il va sortir. En el azulejo. Donc, ¿qué es lo que podemos deducir? ¿Que quién estabiliza la tête? Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Quién estabiliza la cabeza? Es el músculo de jugo. Son los músculos de la pierna. Donc, il y a maintenant, quand il y a des pertes de mobilité, cuando hay una pérdida de movilidad, il y a une perte de la stimulation au niveau cortical. Hay una pérdida de estimulación a nivel cortical. Et Roll nous dit que l'immobilité d'un membre prive le système nerveux de toutes les informations sensorielles habituellement associées à sa mobilisation. Et efface dans le cerveau du calme. Donc on revient un petit peu à ce qu'on avait fait avec les séries sur les mains. Donc, perturbation biomécanique au niveau du pied. Quand il y a une perturbation à niveau biomécanique, à niveau du pied. Oh, pardon. ou sensoriel, je pense que ça va. Sensoriel. Va entraîner un hypo-travail des muscles de jambes. Va provocar un hipotrabajo de los músculos de la pierna. Mais par contre, plus de travail au niveau sous-jacent. Pero más trabajo a nivel subyacente, a nivel de más arriba. Ok. Est-ce que il y a des questions sur le, ce qu'on vient de voir là? Donc, avant d'envisager un traitement de remédiation posturale, il va falloir envisager qu'il n'y ait pas de problème proprioceptif. Tenemos que ver que no haya disfunciones proprioceptivas. Qu'il n'y ait pas de espinas irritatives d'appui. Que no haya espinas irritativas de apoyo plantar. Qu'il n'y ait pas de pathologie organique. Que no haya patologías orgánicas. Et même qu'il n'y ait pas d'épines irritatives de frottement dorsal latéral. Y que no haya también espinas irritativas de frotamiento dorsal lateral. Alors, pour le frottement dorsal latéral. Para el frotamiento dorsal lateral. Para fricción dorsal lateral. La semaine peut jouer. Quelqu'un qui est très en avant va avoir des orteils qui sont très crispés. Quand on a une personne qui est très en avant, tendra les dedos muy en barra. Si je le recule, on va détendre les orteils. Si le retrasamos, les dedos se pondront plus en barra. Mais en fait, il est souvent intéressant d'associer des orthoplasties très fines. Pero también es interesante de asociar unas ortoplastias ultrafinas. Et c'est la même réflexion qu'au niveau postural, au niveau des salles de posture. Es la misma reflexión que las plantillas posturales. Il faut essayer de travailler le plus fin possible. Que hay que trabajar con lo más fino posible. Alors, les disfonctions proprioceptives, si on doit la définir. Si queremos definir la disfunción proprioceptiva, c'est une perturbation informationnelle locale entraînant l'abaissement du seuil de réaction des muscles voisins pouvant empêcher la bonne intégration des exocapteurs. Cliniquement, on le voit en évidence comment ? Parce que c'est dur dans la main, il y a un blocage. Cuando vemos clínicamente, quand hay algo duro, es difícil de mobiliser aussi. De mobilizarlo. Donc, vous avez vu hier le rappel sur le testing et le traitement. Ayer habéis visto el testing y el tratamiento. Est-ce que vous avez des choses à dire, des questions par rapport à ça? Preguntas relacionadas con esto, con la técnica. Il faut bien comprendre que c'est un préalable indispensable aux semaines de posture. Es importante que tengáis en cuenta que es algo importante para vuestras plantillas de postura. Et semaines en général. Y para las plantillas en general. Et parfois, y a veces, vous avez des patients qui vont venir en disant « je suis pas bien avec les semelles ». Tendréis pacientes que volverán de vuelta diciendo que no estoy bien con esas plantillas. Et en fait, quand vous allez examiner le patient, vous allez voir que c'est parce qu'il y avait un blocage articulaire que vous n'aviez pas mis en évidence. Y es debido a que si lo volvéis a testar, veréis que faltaba, que no habéis buscado bien que había un bloqueo articular. Vous traitez le blocage, la semelle fonctionne bien. Tratáis el bloqueo y la plantilla volverá a funcionar bien. Donc vous ne ruez pas systématiquement sur je modifie la semelle. No, penséis todo el rato que tenemos que modificar la plantilla. Reprenez l'ensemble. Volver a testar todo en conjunto. Peut-être que vous avez oublié quelque chose. Peut-être que vous soyez oublié de algo. Et puis peut-être que le patient sortant de chez vous s'est tordu la cheville. Pero puede que el paciente se haya torcido el tobillo. Donc on a plein de stimulations différentes. Hay muchas estimulaciones distales. Mais on a vu qu'on utilisait déjà que celle qui était interne. On n'utilise pas les latérales. Sobre todo no utilizamos las externas, utilizamos las internas. Et comme il y a beaucoup de possibilités, il faut le faire en fonction de l'examen clinique. Y como hay muchas posibilidades, tenemos que hacerlo dependiendo de nuestro de nuestro esquema de retos. Alors, ce qui peut perturber, c'est les épines irritatives alimentaires. Ce qui peut perturber, c'est nuestras espinas irritatives plantares. Donc, la définition que j'avais donnée avec Anne-Marie Lecorps, ce sont des zones nocicétives caudales, conscientes ou non. Esta es la definición de las espinas irritatives. Et ce qui est important là-dedans, c'est surtout le non-conscient. Lo importante en esto es el non-consciente. Qui, lors de leur mise en contact avec l'environnement, entraîne une modification de la posture ou de l'équilibre chez l'homme. Alors, ça peut entraîner des répercussions, et bien au niveau du pied, au niveau du genou, au niveau du rachis, au niveau cervical, au niveau de l'ADN, et même au niveau des os. Puede traer la sensación de repercusiones a nivel del pie, a nivel de la rodilla, del tráqueo, del cervical, de la tenis, de los ojos. Donc, il y a un travail qui a été fait par un ophtalmologiste qui travaille sur les enfants dyslexiques. Hay un trabajo hecho en pacientes con niños disléxicos. Et donc, ils font des tests pour regarder est-ce que les yeux marchent de manière symétrique ou pas. Y hacen un test para ver si los ojos están trabajan de manera simétrica. Et dans, chez les enfants dyslexiques, dans 4, plus de 95% des cas, ça ne marche pas de manière symétrique. Et en 95% de los niños dyslexiques, los ojos no trabajan simétriquement. Et ce qui améliorait le plus la symétrisation, c'était quand il était fait sur de la mousse. Et lo que mejoraba para buscar la simetría era cuando les ponían en espuma. C'était plus efficace que les prismes. Era más eficaz que los prismas. Donc, ce protocole. Entonces tendríamos que seguir el protocolo. Est-ce que sur la notion d'épines irritatives, c'est clair pour vous? ¿Está claro la noción de espinas irritativas para vosotros? Alors, souvent le mécanisme, c'est quoi? J'ai une posture qui s'antériorise. Normalmente el mecanismo es cuando tenemos una postura que estamos anterior. Peut-être parce que je n'ai pas de viscéraux, peut-être parce que je suis anxieux. Puede que sea porque tenemos problemas viscerales. Ou autre chose. Ou autre chose. Donc, je vais mettre trop de contraintes au niveau de l'entrepied, notamment en médial. Vamos a tener más apoyo a nivel anterior, pero sobre todo más a nivel medial. Le pied pendant un temps va se laisser faire. El pie en su caso, bueno, en su caso va a hacer lo que quiera. Puis à force qu'on lui tape dessus. Y cuanto más apoyamos encima. Il va réagir en mettant un avant-pied supinatus. Va a recolocar el pie haciendo una supinación. Ça peut entraîner des douleurs partout, mais particulièrement au niveau des genoux. Puede provocar dolores por todo, pero sobre todo a nivel de las rodillas. Parce que quand je me penche en avant, mon fémur part en rotation interne. Porque cuando nos ponemos hacia adelante, nuestro fémur hace una rotación interna. Y un avant-pied supinatus va entraîner une rotation externe au niveau tibial. Y una pie tibial va provocar que se haga una rotación externa. Et le genou, il est conçu pour travailler dans le plan sagittal. Y la rodilla está concebida para trabajar en el plano sagital. Si le tordu, ça marche pas. No funcionará. ¿Vale? Comme vous le savez, donc on a dit qu'elles étaient souvent inconscientes. Como lo sabéis, las espinas externas son inconscientes. Donc le patient vient pour souffrir parce qu'il a mal à l'autre pied, il a mal au dos, il a mal au genou, etc. Y vuestro paciente viene a consultar porque tiene un dolor de espalda, de otro pie. Alors, la stabilométrie peut nous aider quand quelqu'un est amélioré sur mousse, a priori, une épine irritative alimentaire. La stabilométrie nous peut servir quand está mejorada en espuma y tiene espinas irritativas. Le côté clinique que vous connaissez et on confirme par le côté palpation. La parte clínica también nos puede ayudar, pero sobre todo la palpación. Alors, on est bien d'accord? Vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a une épine irritative simplement parce que vous appuyez sur le pied que ça fait mal. No tenéis derecho a decir que tenemos una espina irritativa solamente por la palpación. On fait la palpation parce que la clinique ou la stabilométrie nous a mis sur la piste. Hacemos una palpación porque la stabilometría o la clínica nos ha llevado a eso. Et bon, souvent on visualise un avant-pied supiné. Y muchas veces, a menudo, encontramos este antepié supinado. En termes de traitement, la neutralisation se fait avec un relief postérieur hay ninguna intención. En términos de neutralización, se utiliza un elemento posterior a la espina rotativa. Y sobre todo en duro. Y sobre todo en duro. Y entonces, eso ha sido investigado por plusieurs personas. Eso ha sido investigado por muchas personas. Il vaut mieux utiliser du dur en arrière que du mou sous la zone perturbée. Es mejor utilizar un relieve duro detrás de la espina que poniendo una espuma encima de la espina. Donc là, on rentre dans des expérimentations qui ont été faites avec des stimulations temporaires. Aquí entramos en un experimento que se ha hecho con diferentes elementos de estimulación temporaire. Donc, on a fait des mesures goniométriques des variations de mouvement au niveau de la flexion des genoux. Hemos hecho aquí un estudio goniométrico sobre la valoración de amplitud de la rodilla, en flexión de rodilla. Quand on met un élément antérieur interne, cuando ponemos un elemento antérieur interno, on arrive à gagner 6 mm. Podemos ganar 6 milímetros, como veis. Flexión. El ángulo de la cima de rodilla. Cuando ponemos un elemento anteromedial, cuando ponemos un elemento anteromedial, on arrive a gagner 6,5. Cuando ponemos un elemento anteromedial, podemos ya llegar a ganar 6,5 grados. Quand on met un élément antéro-externe, y cuando ponemos un elemento antéro-externo, on a moins de flexion. Tenemos menos flexión de rodilla. ¿Quién quiere poner una decisión? En la diapositiva anterior, el grosor del elemento antéro-externo pone de 3 a 5. Sería. Dans la diapo anterior, le lima, le tebaï. Ok, c'est de 3 à 5 mm. On aurait pu mettre. On a toujours tort de mettre des hauteurs dans les cours. Okay. Sí, bueno, on aurait pu mettre de 2 à 5 mm. Peut-être que chez certains ça fait 6. Hein. Quelle est ta question? Pero serían duros. ¿Estás sobre duro? Sí. No, que yo tenía entendido que para la espina rotativa sería de 1 a 3. Es que era de confundir, pero como se define en latín, se lee de 1 a 3 millones. Sí, porque cuando on dit espina irritative, ça dépend avec quoi l'associer. Cuando dices espinas irritativas, es con qué lo has asociado. Imagine qu'il y a quelqu'un qui a un pied valgus organique. Imagínate que tienes un paciente que tiene un pie valgo orgánico. Avec un alus valgus. Con un alus valgus. Donc tu vas peut-être mettre une barre, une bande interne de 3 mm. Vas a poner una banda interna de 3 mm. Peut-être que la bande interne n'est pas suffisante pour neutraliser l'épine irritative. Puede que la banda interna no sea suficiente para neutralizar la espina. Donc tu remets 1 mm ou 2. Y entonces pondrías un milímetro o dos. Et puis, si un alus valgus est important, y si tiene un alus valgus muy importante, ça peut être intéressant aussi de remettre un millimètre en plus. Sería interesante poner un milímetro de más. Okay. Si vous voyez, quand vous voyez des chiffres, c'est autour de. Cuando veis números, es alrededor de. Vale, no, es orientativo, perdona, y nada. Élément antéro-médian. Voilà. Tu vas mettre dans le temps, ça ressemble à un appui rétrocapital médian. En arrière de la deuxième, la troisième et la quatrième tête. Vale, c'est un appui rétrocapital de la troisième, la tercera, la cabeza. Et en fonction des fois, tu vas le mettre qu'en arrière de la deuxième, qu'en arrière de la troisième, qu'en arrière de la quatrième. Vale, muchas veces lo colocarás. De la segunda cadena, o de la tercera cadena, o de la cuarta. Se cumple. Sí, bueno, cumple ahí, pero en el 2, en el 3 y en el 4. Donc pensez que souvent les varus sont réactionnels. Pensad también que los bilbaros son reaccionarios. A des zones no susceptibles anterolternes. Con una zona no receptiva anterolinterna. Ou à des troubles proprioceptifs qui perturbent la force musculaire. O puede ser que problemas proprioceptivos que perturben la fuerza muscular. Donc, un exemple de traitement. Un ejemplo de tratamiento. Vous avez un patient qui est antérieur. Tenemos un paciente que es anterior. Donc pour la remédiation, vous mettez des barres antérieures de 2 mm. Ponéis como para la reconstrucción dos barras de 2 mm. Vous avez une épine irritative au niveau du premier rayon à droite. Teniendo una espina irritativa de la primera cabeza de beta a la derecha. Et vous trouvez que l'épaisseur optimale c'est 3 mm. Y veis que la altura óptima es de 3 mm. Donc, a priori, vous allez associer deux barres antérieures de 2 mm. A priori, vais a asociar dos barras de 2 mm. Avec un élément antéro-interne de 1 mm. Con un elemento antero-interno de 1 mm. Et ceci dit, il faut quand même tout retester. Pero hay que retestar todo esto. Alors, vous rappelez aussi ce qu'on a vu sur le déparasitage somatique du genou. Ya he visto que sobre el desparasitaje somático de la rodilla. Donc, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la convergence neuronale. Hay una teoría de la convergencia neuronal. C'est-à-dire que sur un interneuron, vous enlevez plusieurs informations. En una misma interneurona va a llegar mucha información. Donc, quand je marche, cuando caminamos, que je suis en plantigrade, pues, cuando estamos en plantigrade, donc, je vais avoir le maximum de pression au niveau du médio pied. Vamos a tener la presión máxima a nivel de medio pie. Et la flexion maximale au niveau du genou. Y la flexión máxima a nivel de la rodilla. Donc, vous voyez, c'est comme le réflexe de Pavlov. Es como el reflejo de Pavlov. L'un est associé à l'autre. Una se asocia a la otra. Donc, ça veut dire que si je travaille au niveau du medio pie. Eso quiere decir que si trabajamos a nivel del medio pie. Je vais modifier des choses au niveau du genou. Vamos a modificar cosas a nivel de la rodilla. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que ça c'est clair? Donc, quand il y a une dysfonction proprioceptive du genou, quand nous avons une dysfonction proprioceptive de la rodilla, on va utiliser un élément réflexe de 1 à 3 mm. Utilizaremos un elemento reflejo de 1 a 3 mm. Pour donc rendre fonctionnel le genou. Para devolver funcional esa rodilla. On peut utiliser également un élément médio-interne quand il y a un problème de genou organique. También podemos utilizar un elemento medio-interno cuando hay una patología orgánica de la rodilla. Et à ce moment-là, souvent on est un petit peu plus épais, 3-4. Y para este caso iremos de 3 a 4 mm, un poco más arriba. Et ça dépend si on est associé ou pas avec une bande interne. Eso dependerá si asociamos otro elemento, pues la banda interna o otro. C'est clair pour vous? Claro. Alors, on reprend les histoires de bandes internes. Vamos a tomar un poco de la banda interna. On en a beaucoup parlé. Donc, il y a la bande postéro-interne. Tenemos la banda postéro-interna. Mais en fait, aujourd'hui, pour ma part, je ne l'utilise plus beaucoup. Pero él dice que actualmente no lo utiliza mucho. Parce que quand on est un petit peu plus fin dans son évaluation clinique. Porque cuando somos un poco más finos en nuestra evaluación clínica, on va voir que souvent, en fait, on a intérêt à mettre une bande interne. Porque muy a menudo tenemos necesidad de poner una banda interna. Parce que c'est rare qu'une partie du pied qui tombe. Porque es muy raro que una parte del pie caiga, ya veis. Donc, vous avez compris le principe et pourquoi il faut commencer par la bande postéro-interne. ¿Habéis entendido el principio de por qué tenemos que empezar con la banda postéro-interna? Si vous avez un pied qui est en pronation, ça s'associe avec une rotation interne tibiale. Donc, si tenemos un pie en pronación, se asocia una rotación interna tibial. Et ça va médialiser l'axe du pied. Y eso va a provocar una medialización del eje del pie. Donc, on est obligé de mettre quelque chose en arrière de l'axe. Entonces, estamos obligados a poner algo detrás del eje del pie. Parce que si on était en avant de l'axe, qu'est-ce qu'on fait? On potentialiserait la pronation. Parce que si ponemos por delante del eje, potencializaríamos esa pronación. Donc si on ajoute les différentes stimulations, ça nous fait la bande, interne. Si añadimos otros elementos, hallamos una banda interna. Y a ce moment-là, on retrouve un axe qui est fonctionnel. Y en este momento, si asociamos el axe, tendremos un eje que es funcional. Entonces, es fisiológico, depende del grado, usas en la banda J'ai dit que s'il y avait en théorie, s'il y avait quelque chose qui s'exprimait au niveau de l'arrière-pied. Cuando la banda posterior interna lo utilizas cuando haya algo que se exprima, a nivel posterior. Ce qu'on s'aperçoit avec l'usage, lo que obtenimos con c'est que souvent la bande interne est plus utilisée. En tout cas, moi je l'utilise beaucoup plus. Damos más uso a la banda interna que a la otra, a lo que utilizamos más la banda interna. Lo más importante. Lo que es importante. Encore 10 minutes d'attention. 10 minutitos y. Donc, quand vous avez un pied qui est fonctionnel, cuando tenemos un pie funcional, il faut penser que les stimulations plantaires elles sont là pour communiquer avec le système nerveux central. Es que las estimulaciones plantares están aquí para dar información al cerebro. On a des rééducateurs qui disent que l'influence de l'environnement sensoriel, des stimuli provenant de la périphérie, paraît déterminant dans la réorganisation de l'acte moteur. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est réorganiser l'acte moteur postural. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues réorganiser l'acte moteur. Et donc, il faut comprendre qu'en fait, les stimulations plantaires, elles ne sont pas là pour jouer sur le pied, mais par l'intermédiaire du pied. Vale, les stimulations plantaires no solamente juegan en el pie, sino por el intermediario del pie. Las estimulaciones están ahí para jugar en la planta del pie, no por el intermediario del pie. Les semelles ne sont pas. L'objectif des semelles, c'est pas de jouer sur le pied. C'est de jouer par l'intermédiaire du pied au niveau du système nerveux central. Las plantillas no están, las plantillas aquí no están para jugar a nivel del pie, sino por el intermediario del pie. Solo por el intermediario. O sea, no están para jugar en el pie, sino por el gracias al pie lo para darle con medio. Es un intermediario para que llegue.